السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أسماء الله سبحانه وتعالى الحي، وقد ورد هذا الاسم في حديثين. الأول حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي رحمة الله عليهما. الثاني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وابن ماجه. وفي هذا الاسم الكريم دلالة على ثبوت الحياء صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وهو سبحانه في صفاته كلها لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فحياؤه سبحانه وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين. إخواني الكرام، il y a donc parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى الحي. Et ce nom, on le trouve dans deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier est rapporté par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya'la ibn Umayyah radiallahu anhu. Il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vit un homme se laver en plein air sans se couvrir d'un pagne. Il monta aussitôt sur le minbar, il loua Allah et fit ses éloges. Il monta aussitôt sur le minbar, donc après avoir vu cela, loua Allah et fit son éloge, avant d'exhorter les gens en disant, ou plus, puis il dit: certes, Allah est hayyun sittir, certes Allah est pudique et sittir, c'est-à-dire qu'il couvre ses serviteurs. Il aime la pudeur et le voile, il aime la pudeur et couvrir. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرَ. Donc, lorsqu'une personne se lave, qu'elle se couvre. Lorsqu'une personne se lave, qu'elle se couvre. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam al-Nasa'i, rahmatullahi alayhima. Cheikh al-Albani, rahimahullah, nous dit que ce hadith est sahih. Il nous dit dans Irwa, ou bien Irwa ul Ghalil, que ce hadith est authentique. Le second est le hadith du compagnon Salman al-Farisi, radiallahu anhu. Il rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, votre Seigneur, béni et exalté soit-il, est pudique et a les attributs de perfection. On peut traduire par noble, on peut traduire par généreux, mais comme nous l'avons étudié, Karim, yani celui qui est à El Karam, la perfection dans ses attributs. Certes, votre Seigneur est pudique et est généreux. Il a honte de renvoyer son serviteur les mains vides quand celui-ci l'élève vers lui. إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Certes, Allah est pudique, noble ou bien généreux. Il a honte de renvoyer son serviteur les mains vides lorsque celui-ci les lève vers lui. Ainsi, à travers ces deux hadiths, les savants ont affirmé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayy. Al-Hayyu. Al-Hayy. Et on affirme donc pour Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de Al-Haya, la pudeur. C'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous affirmons cet attribut, tout comme il sied à sa perfection, à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, à savoir qu'Allah, exempt soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures, dans l'ensemble de ses attributs, il n'est pas identique à ses créatures. Et ses créatures ne sont pas identiques au Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala, bien évidemment. Et cela, comme c'est énoncé dans la règle du Coran, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir » Il n'y a rien qui lui soit identique, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ou encore, dans Sourate Maryam, « Hal ta'lamu lahu samiyya » Lui connais-tu un homonyme ? Lui connais-tu un homonyme ? Ainsi, la pudeur, qu'a Allah subhanahu wa ta'ala, est son attribut qui sied à sa perfection. Et bien évidemment, elle n'est pas semblable à la pudeur des créatures. Ça, c'est une règle absolue qu'il nous faut assimiler. Allah Azza wa Jal, lorsque nous lui affirmons des attributs, on doit toujours avoir présent à l'esprit qu'Allah a cet attribut à la perfection absolue. On l'affirme pour Allah. Le sens est le sens connu de la langue arabe. Mais on ne doit pas tomber dans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, à savoir dire que les attributs d'Allah sont identiques aux attributs des créatures. Dire que les attributs des créatures sont comme les attributs d'Allah. Non. Car Allah nous dit « Laysa kamithli shay » Il n'y a rien qui lui soit identique. D'affirmer les attributs d'Allah n'entraîne en aucun cas, n'engendre en aucun cas le fait de dire qu'Allah ressemble à ses créatures, non. Car celui qui nous a dit « Laysa kamithli shay » Il n'y a rien qui lui soit semblable. C'est celui qui nous a dit « Wa huwa sami'ul basir » Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc toi tu vois et tu entends. Moi je vois et j'entends, bihamdillah azza wa jal. Mais ça ne veut pas dire qu'on voit et qu'on entend comme Allah. Allah entend tout, il voit tout à la perfection. Et nous, comme il convient à notre niveau de créature imparfaite. وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الْحَيَاءِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ مُضَافًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا وفي صحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه إليه وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض أو أما الآخر فأعرض الله عنه. Nous trouvons dans le Coran et la Sunna La pudeur a la forme, sous la forme verbale, en annexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on nous parle de pudeur dans des verbes conjugués. Ainsi dans sourate Al-Baqarah, إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Certes, Allah n'a pas honte de mentionner en parabole un moustique ou tout être plus grand que cela ou aussi grand que cela. Ou plus grand que cela. Dans le recueil des Bukhari Muslim, selon le compagnon du prophète alayhi salat wa salam, Abu Waqid al-Laythi, radiallahu an, il raconte que, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à la mosquée, en présence ou en compagnie des gens ou des fidèles, trois hommes arrivèrent. Trois hommes arrivèrent. Deux d'entre eux se dirigèrent vers lui et le troisième s'en alla. Donc, deux parmi ces hommes-là se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième est parti. Le troisième est parti. Ils se sont tenus debout devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux, donc des deux, vit un espace dans le cercle d'assises et s'y assit. L'autre prit place derrière. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans le cercle, mais il s'est mis juste en retrait, juste derrière celui-ci. Quant au troisième, il se détourna et partit. Quant au troisième, il tourna le dos et partit. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut terminé, il dit, ne voulez-vous pas que je vous informe au sujet de ces trois hommes? L'un d'eux a cherché refuge auprès d'Allah. Allah l'a donc abrité. L'autre a eu honte d'Allah ou de la pudeur vis-à-vis d'Allah. Allah a éprouvé de la pudeur vis-à-vis de lui. En ce qui concerne le troisième, il s'est détourné d'Allah. Allah s'est donc détourné de lui. Il s'est détourné, Allah s'est donc détourné de lui. والقول في هذه الصفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه. Et il nous faut dire au sujet de cet attribut ce que nous disons sur l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكما أننا نثبت لله سبحانه علما لا كعلمنا وبصرا لا كبصرنا وسمعا لا كسمعنا وإرادة لا كإرادتنا فكذلك نثبت له حياء لا كحيائنا إذ كل ما أثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه. La parole que nous disons concernant cet attribut, al-haya, la pudeur, est la même que nous disons pour l'ensemble des attributs du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, exempt soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures. Tout comme nous affirmons pour Allah une science différente de notre science, une vue différente de notre vue, une oui différente de notre oui, une volonté différente de notre volonté, ben de la même façon, nous affirmons pour Allah une pudeur différente de la nôtre, une pudeur qui diffère de la nôtre. En effet, tout ce que le Seigneur a affirmé pour lui-même, ou lui a affirmé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est une vérité incontestable. Une vérité qui ne fait aucun doute. قال ابن القيم رحمه الله وقد وصف نفسه بالحياء، وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي en effet Allah s'est décrit par la pudeur et donc il s'est attribué la pudeur et son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a conféré ce même attribut. فَهُوَ الْحَيِّ الْكَرِيمُ. Il est donc le pudique et le noble. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallam a dit, certes Allah est pudique et noble. يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا. Il a honte de renvoyer son serviteur les mains vides lorsque il lève les mains vers lui. وقالت أم سليم رضي الله عنه يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق وأقرها على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. ابن القيم رحمه الله تعالى poursuit et dit, et أم سليم, la mère de Anas ibn Malik, cette noble sahabiya رضي الله عنها, dit, ô messager d'Allah, certes Allah n'a pas honte de la vérité. Certes Allah n'a pas honte de la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ces dires et les a acquiescés. Donc il lui a donné raison sur ce point-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mentionné cet attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit, certes Allah n'a pas honte de la vérité, n'ayez pas de rapport anneau avec les femmes. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala poursuit et dit, وَأَمَّا حَيَاءُ الرَّبِّ تَعَالَى مِنْ عَبْدِي فَذَاكَ نَوْعٌ آخَرٌ لَا يُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ وَلَا تُكَيِّفُهُ الْعُقُولُ فَإِنَّهُ حَيَاءُ كَرَمٍ وَبِرٍّ وَجُودٍ وَجَلَالٍ فَإِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام وكان يحيى بن معاذ يقول سبحان من يذنب عبده ويستحي هو وفي أثر من استحيا من الله استحيا الله منه. Donc j'ai dit, l'auteur poursuit, en réalité la première parole est dans Sawa'iqul Mursala et la seconde dans Madarijus Saliki. Donc c'est toujours la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mais dans différents recueils. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit, quant à la honte que le Seigneur éprouve à l'égard de son serviteur, ou à la pudeur, on ne peut... Yani cette catégorie de pudeur, de honte, qui est l'attribut d'Allah Azza wa Jal, on ne peut l'atteindre avec notre raison. On ne peut l'atteindre avec notre raison. On ne peut en savoir le comment. On ne peut en savoir le comment. La raison du serviteur, donc j'explique la parole, la raison du serviteur, elle ne peut atteindre le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, ni le comment d'Allah. Allah nous a informé de ses noms, de ses attributs, mais il ne nous a pas informé du comment. Ainsi, nous n'avons pas de chemin qui mène à cette connaissance. Pour connaître le comment d'une chose, il faut soit l'avoir vu, et personne n'a vu Allah Azza wa Jal. Il faut soit donc l'avoir vu, soit avoir vu une chose identique à Allah Azza wa Jal, et Allah, laysa kamithli shay, rien ne lui est identique, soit avoir reçu l'information du commun par Allah Azza wa Jal et cela n'a pas eu lieu. Ainsi, nous avons l'obligation de couper tout chemin, de couper et d'abandonner tout chemin à la recherche du commun d'Allah Azza wa Jal. On doit en étudier les sens, vivre ses effets. On doit y croire. On doit méditer cela et chercher à comprendre les sens qui sont connus dans la langue arabe, enseignés par les gens de science. Quant au commun d'Allah, nous n'avons pas le droit de questionner sur cela, ni de le rechercher. Ça, c'est une règle extrêmement importante qu'il nous faut comprendre et assimiler. Barakallahu fikum. Je reprends les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Et lorsqu'on parle dans Asma al-Sifat, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, on le mentionne très souvent, de par le grand effort qu'il a fourni dans cette science et dans beaucoup d'autres. Il se prénomme Muhammad ibn Abi Bakr. Il est surnommé Ibn Qayyim al-Jawziyya, car son père était le responsable de cette école-là. Donc, le comment de cet attribut d'Allah, on ne peut l'atteindre, on ne peut le connaître ni le découvrir. فَإِنَّهُ حَيَاءُ كَرَبٍ وَبِرٍ وَجُودٍ وَجَلَالٍ Allahu Akbar. Il nous dit que c'est une honte qui relève de la noblesse, de la bonté, de la générosité, de la majesté. C'est une honte de noblesse, de bienfaisance, de générosité, de majesté, de grandeur. Certes, Allah, béni exalté soit-il, est pudique et généreux. Il a honte de renvoyer son serviteur les mains vides quand celui-ci l'élève vers lui. Cette honte, c'est une honte de noblesse, de perfection, de générosité, de bienfaisance, de grandeur, d'immensité. Il a honte, subhanahu wa ta'ala, de renvoyer son serviteur les mains vides alors que ce dernier a fait dua, a levé ses mains vers son maître, son seigneur, son pourvoyeur. Il a honte de châtier une personne âgée. Il a honte de châtier une personne âgée qui a vieilli dans l'islam. Allahu Akbar. Et écoutez cette belle parole. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullahu ta'ala, a dit « Exempt soit celui dont ses serviteurs pêchent, désobéissent, alors que lui a de la pudeur envers eux. » Pureté à celui qui a honte alors que son serviteur commet le péché. Et c'est nous qui commettons les fautes, les désobéissances. Ghafar Allahu lana wa lakum. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a honte de nous ou Allah Azza wa Jal qui a de la pudeur. Et on trouve fil athar, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et dans une tradition on trouve Allah a de la pudeur envers celui qui en a envers lui. Ou celui qui a honte d'Allah, Allah aura honte de lui. Celui qui émet de la pudeur envers Allah, Allah émettra de la pudeur envers lui. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqih fa inna dhalika min lawazimi kamalih. Allah aime ses noms et ses attributs. Allah aime ses noms et ses attributs. Et il aime que leurs effets se manifestent au sein de la création. Ceci fait partie de ce qui découle de sa perfection. فَهُوَ سُبْحَانَهُ حَيِّيٌ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ كريم يحب الكرماء شكور يحب الشاكرين محسن يحب المحسنين عفو يحب العفو وأهله حليم يحب أهل الحلم ولمحبة سبحانه لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها فأمرهم بالحياء والإحسان والرحمة والكرم والعفو وأحب عبادي إلي من اتصف بالصفات التي يحبها وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها أو يكرهها ويستثنى من ذلك من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لأن اتصاف العبد بها ظلم إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد ولتعدي من اتصف بها طوره وحده ولمفارقته مقامه ورتبته رتبة العبودية والذل. دونك الله سبحانه وتعالى impudique, il aime ceux qui sont pudiques. Allah subhanahu wa ta'ala est noble, il aime les gens de la noblesse. Il est généreux, il aime les gens généreux. Il est reconnaissant, il aime ceux qui font preuve de gratitude. Il est bienfaiteur, il aime ceux qui sont bienfaiteurs. Il est absoluteur, il aime ceux qui sont absoluteurs, ou bien il aime l'absolution et ceux qui le sont. Il aime pardonner, il aime ceux qui pardonnent. Il aime il est indulgent, c'est l'indulgent, il aime ceux qui sont indulgents. Et de par l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, envers ses noms et ses attributs, il a ordonné à ses serviteurs, ce qui découle de tout cela, ce qui doit suivre cela. Ainsi, il leur a ordonné la pudeur, il leur a ordonné la bienfaisance, il leur a ordonné la pitié et la miséricorde, la noblesse, la générosité et l'absolution, le pardon. Et le serviteur le plus aimé auprès de lui, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, est celui qui se caractérise le plus par ses attributs mentionnés qu'il a aimés. C'est-à-dire, Allah azza wa jal aime la pudeur, la générosité, la science, l'indulgence et ainsi de suite, ben plus tu as ces attributs-là, plus tu prends la science, plus tu es pudique, plus tu es noble, plus tu es généreux, plus Allah t'aime. À l'inverse, وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ مَنِ اتَّصَفَ بِالصِّفَاتِ اللَّتِي يَكْرَهُهَا. À l'inverse, celui qu'Allah déteste le plus parmi les serviteurs est celui qui se caractérise par les attributs qu'il déteste. Ainsi, plus tu as les attributs qu'Allah aime, plus il t'aime. Plus tu as le contraire, plus il te déteste. L'auteur nous dit, il y a une exception à la règle. Qui est l'orgueil, ou bien le fait de se mettre au-dessus, plus précisément, la traduction qui semble adéquate, c'est la fierté, ou le fait de se mettre au-dessus, la grandeur et la puissance absolue. Ces attributs-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que le serviteur en soit caractérisé. Allah Azza wa Jal n'aime pas que le serviteur en soit caractérisé, qu'il ait ces attributs-là. Pourquoi ? Ça, c'est une exception à la règle. Ça, c'est une exception à la règle. Allah Azza wa Jal n'aime pas qu'on soit, qu'on ait une fierté mal placée, qu'on soit orgueilleux. Il n'aime pas qu'on se voit au-dessus des autres. Il n'aime pas qu'on se montre dominant sur les autres. L'auteur nous dit, car le fait que le serviteur adopte ces caractéristiques-là, de ce point de vue-là, c'est de l'injustice. Il n'a pas mis la chose où il convenait de la mettre. Pourquoi ? Car ses attributs ne lui conviennent pas. Ça vient à l'encontre des attributs du serviteur, qu'un serviteur doit avoir. Et nous sommes les serviteurs d'Allah. Ça entre dans la transgression. Celui qui a ces caractéristiques, alors que c'est un serviteur, il aura transgressé les attributs qui lui convenaient. Les attributs qui lui convenaient. Il aura dépassé la limite. Il aura dépassé la limite. Il aura transgressé. Et sera sorti de son niveau et de sa station. Il sera sorti de son statut, de son rang, à savoir la servitude et l'humilité. À savoir la certitude et l'humilité. Nous, serviteurs d'Allah, nous devons d'être humbles et de s'humilier devant notre maître, Allah tabaraka wa ta'ala. Notre rôle, manifester notre servitude, se soumettre à Allah de par les actes d'adoration, l'adorant lui seul d'un culte sincère. Ainsi, celui qui s'élève au-dessus des autres et qui sort de son caractère de serviteur, Allah Azza wa Jalla ne l'aime pas. Ne l'aime pas, n'aime pas cette caractéristique-là. وَقَدْ تَكَاثَرَتِ النُّصُوصُ فِي الْأَمْرِ بِالْحَيَاءِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ وَعَدَّهُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ أَوْ وَعَدِّهِ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَبَيَانُ ثَمَرَاتِ وَقَدْ تَكَاثَرَتِ النُّصُوصُ فِي الْأَمْرِ وَقَدْ تَكَاثَرَتِ النُّصُوصُ فِي الْأَمْرِ بِالْحَيَاءِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ. L'auteur nous dit, très nombreux sont les textes qui ordonnent la pudeur, qui incite à se parer de cette noble caractéristique et qui nous pousse à vouloir désirer cette description. Cela a même été considéré, cela a même été énuméré et mentionné parmi les branches de la foi. Donc, parmi les branches de la foi, le prophète alayhi salatu wassalam nous a mentionné cette pudeur. Et wa bayanu thimarihi al-'azima wa atharihi al-mubaraka wa annahu khayrun kullu. Il nous a également enseigné sallallahu alayhi wa sallam les nombreux fruits et ses effets bénis, tout comme il nous a enseigné que la pudeur est systématiquement une bonne chose. Fafi sahihayni an Abi Huraira radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-iman bid'un wa sab'un shu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان وفيهما عن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان وفيهما عن عمران عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي لفظ الحياء كل خير. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim Nous trouvons le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi comporte une soixante-dizaine de branches. La foi comporte une soixante-dizaine de branches. La plus haute est la formule qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. La plus basse consiste à enlever un obstacle en travers du chemin. Et la pudeur est l'une des branches de la foi. Et la pudeur est une branche des branches de la foi. Donc on voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam a spécifié la pudeur parmi les branches de la foi. Ainsi on voit que l'iman, la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et des actions avec les membres. Et la pudeur est une branche particulière parmi les branches de la foi. Dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, toujours selon l'imam al-Bukhari, ou bien toujours apporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près d'un homme parmi les Ansar qui exhortait son frère au sujet de la pudeur, comme s'il lui reprochait d'avoir trop de pudeur, trop de honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: laisse-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: laisse-le. Car certes, la pudeur fait partie de la foi. Car certes, la pudeur fait partie de la foi. Toujours dans le recueil Bukhari Muslim, rahmatullahi alayhima, selon Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur n'apporte que le bien. La pudeur ne vient qu'avec le bien. Et dans une autre variante, la pudeur n'est que du bien. La pudeur n'est que bien ou n'est que du bien. Wa kana alayhi salatu wa salam ashadda an-nasi haya'an. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه nous enseigne que le prophète عليه الصلاة والسلام était l'homme le plus pudique, était la personne qui avait le plus de pudeur عليه الصلاة والسلام. En effet, Abu Sa'id radiallahu anhu nous dit, dans le hadith toujours apporté pendant le Bukhari Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une vierge derrière son rideau. وَالْحَيَاءُ فِي الْعَبْدِ خُلُقٌ جَمِيلٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. أي من لم يستحي صنع ما شاء من الفواحش والمنكرات لأن الحياء هو المانع من فعلها. La pudeur est chez le serviteur une noblesse. C'est un comportement des plus nobles qui incite, qui pousse ce dernier à s'éloigner de tout ce qui est mauvais et répugnant, de tout ce qui est blâmable. Cette pudeur l'empêche également de négliger les droits de tout à chacun, de les droits d'autrui. C'est pourquoi le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: parmi les paroles anciennes ou parmi les paroles des premières prophéties que les gens ont retenues, si tu n'as pas honte, fais ce qu'il te plaît. Fais ce que tu veux. Parmi ce que les gens ont atteint, ont atteint des paroles des premières prophéties, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Rapporté par l'imam Bukhari. Que signifie ce hadith? L'auteur, Hafidahullah Ta'ala, nous dit, c'est-à-dire, si tu n'as pas honte, si tu n'as pas de pudeur, commets ce que tu veux comme acte condamnable et indécent. Celui qui n'a pas de pudeur, celui qui n'a pas honte, commettra tout acte de turpitude, tout acte mauvais, blâmable, et tout péché. Car la pudeur est un rempart, est un frein face à ces actions condamnables. Face à ces actions condamnables. D'autres savants expliquent le hadith en disant, c'est une menace. C'est une menace. C'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur, qui t'incite à te retenir face à la désobéissance, qui t'invite à avoir honte du regard d'Allah, de sa surveillance, des anges qui notent et ainsi de suite, alors fais ce que tu veux. Tu reviendras vers Allah et c'est lui qui te jugera pour tes actions. Donc ici, c'est un ordre qui exprime la menace. C'est un avertissement. D'autres encore ont dit, c'est au sens propre, si tu n'as pas honte, si cette action-là ne génère pas à la base chez les gens la honte et la gêne, alors fais ce que tu veux. C'est que c'est licite. Il n'y a pas de mal. Quoi qu'il en soit, celui qui a de la pudeur, celui qui a la pudeur religieusement louable, pas la pudeur qui est la honte simple qui pousse la personne à ne pas questionner sur ce qui lui est profitable, demander son droit ou autre. Non, on ne parle pas de cela, comme on détaillera incha'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, la pudeur doit nous pousser à délaisser ce qui est blâmable, les turpitudes, les péchés, les mauvaises paroles, les mauvaises actions. Et tout naturellement, le serviteur, lorsqu'il souhaite commettre une mauvaise chose, il se cache. Mais lorsqu'il tombe plus bas que terre, il ne se cache même plus. Il ne se cache même plus. C'est pour cela que jadis tu pouvais observer que les gens qui ne sont pas sur la droiture se cachaient pour faire leurs péchés et leurs fautes. Ils se cachaient de leurs parents, ils se cachaient de leurs voisins, ils se cachaient des personnes âgées, ils se cachaient du regard des gens. Mais lorsque les péchés se sont répandus et ont ramassé sur leur chemin beaucoup plus de monde, les gens ont commencé à s'adonner à ces péchés-là sans se cacher. Wa inna lillahi wa inna raji'un. Le prophète alayhi salat wa salam a dit kul ummati mu'afa. Toute ma communauté sera préservée. Sauf ceux qui font leur péché en public. Sauf ceux qui font leur péché en public. Wa a'zamu al-haya'i wa awjabuhu al-haya'u min Allah. La pudeur la plus importante. La pudeur, Naam, la pudeur la plus importante et la plus obligatoire est la pudeur à l'égard d'Allah. Azza wa Jal. Fa fi at-Tirmidhi wa ghayri. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Istahyu min Allah haqq al-haya. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء رواه أحمد والترمذي رحمة الله عليهما. Les savants ont divergé quant à la retenue de ce hadith ou non. Certains ont dit que c'est la parole du sahabi et qu'elle est hassan. C'est la parole de Abdullah ibn Saoud, que le hadith est mawquf et qu'il est hassan. Donc d'autres ont dit hassanun li ghayri. De par ses nombreuses chaînes de transmission, il est bon et donc accepté. Abdullah ibn Saoud, comme le rapporte Tirmidhi et d'autres, raconte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit donc aux sahaba: ayez honte d'Allah comme il se doit, comme il le mérite. Nous dit mon message Allah, nous avons certes honte d'Allah, et toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Il répliqua, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne parle pas de ce niveau-là. Mais, la véritable pudeur à l'égard d'Allah consiste à protéger la tête et ce qu'elle contient, le ventre, et ce qu'il renferme. Il faut aussi se souvenir de la mort et de la décomposition du corps. Et celui qui désire l'au-delà abandonnera la beauté de ce bas monde, la parure de ce bas monde. Celui qui fait tout cela, voici celui qui aura eu honte d'Allah comme il le mérite. Comme il le mérite. وَحِفْظُ الرَّأْسِ وَمَا وَعَى يَدْخُلُ فِي حِفْظُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَحِفْظُ الْبَطْنِ وَمَا حَوَى يَتَضَمَّنُ حِفْظَ الْقَلْبِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمُحَرَّمِ وَحِفْظُ الْبَطْنِ مِنْ إِدْخَالِ الْحَرَامِ إِلَيْهِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وحفظ الفرج عن الفواحش قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك وخاف الله على قدر قدرته عليك. Que signifie ce hadith, protéger la tête, ce qu'il contient, le ventre et ce qu'il renferme? Protéger la tête et ce qu'il contient, entre dedans le fait de préserver sa vue et son ouïe, ainsi que sa langue de toute mauvaise parole. L'homme, la femme, doit donc baisser le regard devant ce qui est haram. L'homme n'a pas le droit de regarder les femmes qui ne lui sont pas permis ou qui lui sont licites. Naam. Ou disons qu'ils ne lui sont pas permises, pour être plus clair. L'homme doit préserver son ouïe de ce qui est haram, comme la musique, comme le fait d'espionner les gens, comme les discours qui ne sont pas censés être publics. L'homme doit préserver sa langue de prononcer tout ce qu'Allah déteste par les sciences en islam, de dire de la médisance ou du colportage, ou d'insulter. Non, car certains descendent à la bassesse, au niveau de dire des gros mots, puisse Allah nous en préserver. Et certes, si cela il l'est de la bouche de l'enfant, il l'est encore plus de la bouche de l'adulte. Wallah al-musta'an. Et il l'est encore plus lorsqu'il est dirigé envers ceux qui ont de grands droits sur nous, comme les parents, comme les parents, comme l'époux, ou l'épouse, ou les enfants même. Subhanallah. Donc, il faut préserver la tête et tout ce qui a été mentionné ici. Quant à la préservation du ventre, na'am, ça contient le fait de préserver son cœur. Ça contient le fait de préserver le ventre, de consommer le haram et de rester dans le haram. Na'am. Ou plutôt le fait de préserver. Na'am. Donc, on préserve le cœur et on préserve le ventre d'y mettre ce qu'Allah n'a pas rendu licite. Donc de manger le haram, de boire le haram. Aussi, il y a l'obligation de préserver la partie intime de tout rapport illicite, de toute action illicite. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit de nous rappeler la mort et l'état du corps lorsqu'il est mis dans sa tombe, et il nous enjoint de prendre nos provisions et de ne pas se laisser distraire par la beauté de ce bas monde. Celui qui concrétise tout cela est celui qui aura concrétisé la pudeur à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Dans Jami'ul Ulum wal Hikam, on nous mentionne cette belle parole. Istahi min Allah ala qadri qurbihi mink. Et honte d'Allah selon sa proximité de toi, selon la proximité qu'il a avec toi. Donc, et honte d'Allah à mesure de sa proximité avec toi. Et crains-le à mesure du pouvoir qu'il a sur toi. Subhanallah. Et honte d'Allah à mesure de sa proximité avec toi. Et crains-le à la mesure du pouvoir qu'il a sur toi. رزقنا الله الحياء من وفقنا لتحقيق خشيته في الغيب والشهادة والسر والعلانية. Puisse Allah nous accorder cette noble qualité qui est la pudeur à son égard. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la réussite afin qu'on le redoute réellement, ceci en public tout comme en secret. Le serviteur qui a étudié cela se doit de développer cette qualité. Certains l'ont dans leur qualité naturelle qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordée. Et d'autres se doivent de faire un effort parce qu'ils ont l'habitude d'être, comme on dit, bon vivant, mais en transgressant quelque peu. Ne fait pas partie de la pudeur le fait de rire aux éclats, par exemple, en présence de personnes étrangères ou en public, ou de toujours plaisanter, constamment plaisanter, rire, s'amuser, ou se moquer, ou se lancer des vannes constamment dans toute assise. Subhanallah. Certains ont fait cela, ont pris cela comme un métier, ou comme l'air qu'ils respirent. Comme s'ils se sentaient obligés ou téléguidés, subhanallah, de toujours plaisanter, toujours faire des blagues, dans toutes leurs assises. Ceci contredit la pudeur. Il y a un point aussi qu'on se rappelle en étudiant cette caractéristique, c'est les tenues vestimentaires. On doit avoir honte de porter des vêtements qui dessinent la aura, la personne doit avoir de la pudeur. Certains parmi les hommes mettent des vêtements serrés qu'on aurait honte de mettre à l'enfant de 2 ans. Tout comme parmi les femmes, certaines mettent cela à l'extérieur de la chambre avec l'époux. Elles s'habillent de manière que la femme aurait eu honte, d'une manière que la femme aurait eu honte de mettre dans son salon en présence de ses amis ou des gens de sa famille. Et cette autre personne met cela à l'extérieur de son foyer. Allah le musta'an. Al-mar'atul muslima. La femme musulmane à qui Allah voulut le bien. Celle qui souhaite Allah et l'au-delà. Celle qui souhaite l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, les hauts degrés du paradis. Celle qui a pris la voie de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui apprend sa religion et l'applique. Celle qui aime Allah et son messager. Celle qui connaît les nobles caractères, qui lit la biographie de Khadija, de Aïcha, de Fatima et des autres femmes vertueuses, radiallahu anhum, de l'époque du prophète sallam et de celles qui les ont suivies avec excellence par la suite. Elle doit étudier ce qui est propre à elle, afin qu'elle éduque un peuple, un siècle, qui sera à la hauteur de ce qu'on veut en islam. La femme représente la moitié de la population. Et elle met au monde l'autre moitié. Elle met au monde l'autre moitié. Donc à elle seule, elle représente la communauté. C'est pour cela que ceux qui ont de l'inimitié envers l'islam et souhaitent tenter, souhaitent mettre fin à la lumière rayonnante et à la splendeur de l'islam, chose qui est impossible, bien évidemment, s'en prennent à qui ? Ils s'en prennent à la femme. Ils essayent de l'égarer, ils essayent de la tromper, ils essayent de lui faire miroiter un bonheur qui n'est que mirage. Mais la femme musulmane doit se cramponner à sa religion. Elle doit porter le vêtement de la piété. Elle doit porter son djilbab avec fierté en remerciant Allah Azza wa Jal de l'avoir guidée à cela. Et elle doit savoir que c'est mentionné dans le Coran. Elle doit lire Sourate An-Nur, elle doit lire Sourate Al-Ahzab et ne pas se laisser tromper. Et ne pas se laisser tromper. Et na'am, elle ne doit pas s'habiller en fonction des éloges ou des critiques des autres, mais plutôt en fonction de l'agrément de son Seigneur ou non. En fonction des enseignements de son prophète alayhi salat wa salam ou non. Wa hakada. Donc il faut avoir de la pudeur. La femme doit avoir de la pudeur quant à la fréquentation d'un homme alors qu'elle n'est pas mariée. Quant à la fréquentation d'un homme alors qu'elle n'est pas mariée. L'islam n'interdit pas le mariage de ceux qui s'aiment. L'islam n'interdit pas le mariage de celui qui souhaite se marier. Mais Allah nous dit de passer par les portes. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Ainsi, la femme qui a de la pudeur, elle ne laisse pas un homme la toucher en dehors du mariage. Elle craint Allah Azza wa Jal et préserve son honneur, ainsi que l'honneur de sa famille. L'homme qui a de la pudeur, il ne parle pas avec une femme qui ne lui est pas permise. Car il a de la pudeur envers Allah, puis il a de la pudeur envers cette femme-là, de la pudeur envers ses parents, envers les hommes de sa famille, et ainsi de suite. Il faut avoir de la pudeur dans nos relations sociales. C'est-à-dire avoir honte de faire ce qui ne se fait pas. Naam, avoir honte de faire ce qui ne se fait pas. Et cela, il faut, pour ce faire, il faut s'éduquer sur les textes et fréquenter les gens de science qui ont de la pudeur pour tirer profit de leurs enseignements et de leur science, de leur comportement. Pour finir, je vous raconte une histoire donc personnelle. C'est que notre enseignant dans Al-Qawa'id al-Muthla et Al-Aqidat al-Wasitiyya, un des élèves de Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, Omar Abu Hafs rahimahullah ta'ala, un soir de Ramadan, donc il y a de cela plus de 10 ans, moi et un frère Talib Ilm, nous l'avons invité à rompre le jeûne dans notre modeste chambre faite de terre. Et de par sa modestie, il a répondu à cet appel, à cette invitation, et nous lui avons avancé notre modeste repas. Et il était très pudique. C'est un homme très pudique. Il était grand de taille et fin, et il était, et Anil, sa pudeur apparaissait. Alors, on lui a dit, cool, voilà testahi, mange, n'aie pas honte. Il a répondu, Anasa'akul, Inch'Allah. ولكن سأستحي لأن الحياء من الإيمان. Il a répondu une phrase qui est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui dans mon cœur. Et c'était une belle éducation. Il a dit, Inch'Allah, je vais manger. Donc on lui a dit, mange, n'aie pas honte. Il a dit, Inch'Allah, je vais manger. Mais tout en maintenant en gardant ma pudeur, car la pudeur fait partie de la foi. Car la pudeur fait partie de la foi. Même à l'intérieur du couple, il faut maintenir la pudeur qui empêche les transgressions. Qui empêche les transgressions. بارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين